La manière de franchir le pas vers la barbarie prend des formes différentes selon qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Algérie. Donc il y a une manière de procéder aussi à des exactions, à une violence qui est particulière aussi à une culture. Et par exemple, en Algérie, on sait très bien que la mutilation, par exemple, fait partie de ces exactions. La mise en scène aussi des cadavres et de la mort va faire partie aussi d'un jeu sadique qui relève malgré tout d'une culture. Du mauvais côté d'une culture, parce que la culture algérienne est splendide. Ils ont ces poètes. Mais c'est une partie de nous aussi. Nous avons une partie de la culture qui fait que par moment, nous sommes plus des hommes, mais nous devenons des monstres. Cette réalité n'est pas spécifique à l'Algérie, elle est spécifique à tout le monde. Laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. Ils doivent être reconnus. Il m'a dit, c'est les flélingards, regarde, dès que tu vas être parti, ils vont me tuer. Dès que tu vas être parti, ils vont me tuer. Les flélingards tuent pour tuer. Pille, incendie, égorge, viole, écrase contre les murs la tête des enfants et vendre les femmes. Alors il y a Abdelkader, ce personnage donc, que l'on suit tout au long du roman. À un moment donné, je vais un petit peu déflorer le roman là, excusez-moi, mais lorsqu'il arrive en France, on ne dit plus le harki, on dit l'arabe. En tout cas, dans votre narration, vous l'appelez l'arabe. Oui. Aux yeux des Français, c'est l'arabe. Oui, oui, il va être le sujet du ratonnade. Ça symbolise bien cette représentation du harki en France, qui, dans le discours, est souvent un homme respecté, on le fait passer pour un héros, et dans la réalité, cette même personne qui va croiser dans la rue un harki va le traiter au même niveau que n'importe quel immigré. Il y a un discours antinomique qui n'est pas cohérent avec la réalité.